Voilà, simplement pour vous rappeler qu'il nous reste encore un petit, allez, 40-45 minutes. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, nous terminerons je terminerai mon triptyque sur l'histoire de la radiodiffusion et radiocommunication avec mon ami Jean-Guy Bray, si je peux l'avoir en fréquence. Ce n'était pas possible la dernière fois. On a eu un petit bémol, surtout de mon côté. Voilà, mais je sais qu'il ne m'en veut pas. J'aurai aussi un invité du côté de Nantes qui nous appellera aussi au téléphone. Ça sera Mathieu Vittard qui nous parlera de son association et du personnel handicapé dont il s'occupe pour cette association de secours et de radio. Le 19 mars, alors le 19 mars, ça sera juste deux jours après la Saint-Patrick, qui est le 17 en fait. Et comme je n'ai pas d'émission le 17, eh bien le 19, ça sera avec grand plaisir que j'accueillerai ici, dans les studios d'Arc-en-Ciel, une personne qui se prénomme Sacha, qui est un inconditionnel, un acharné de la musique. Il vous expliquera pourquoi et ce qu'il fait, mais c'est aussi un inconditionnel des Pogues, et comme les Pogues étaient anglais, mais chantaient beaucoup de chansons, de morceaux, et ils ont adopté la musique irlandaise, notamment avec un morceau très connu de Dirty Old Town. Il viendra nous faire découvrir, parce qu'il m'a dit qu'il avait quelques pépites cachées. Voilà, et je vous rappelle que je serai présent avec Annabella et d'autres personnes au stand de Radio Arc-en-Ciel pour la Foire Expo. Cette année, c'est le spécial invité, c'est le Portugal. Et pour cette dernière portion, cette dernière ligne droite, Sylvie B qui a choisi la pochette 8, si mes renseignements sont bons, je crois que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et ben écoute, comme je sais que tu aimes ce style de musique, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule et je t'ai sélectionné quelques morceaux qui, je pense et j'espère, te feront plaisir, parce que je t'ai tutoyé. Voilà, je me suis permis, on a à peu près le même âge. Et je te fais, si tu me le permets, si monsieur me le permet, des gros bisous pour cette Happy Birthday. Radio Arc-en-Ciel 96.2. Je viens juste de me remémorer que c'est aussi l'anniversaire d'Isabelle Z. Elle se reconnaîtra. Elle habite du côté de Pithiviers et je pense que je devrais la voir logiquement. Ça sera samedi soir, Mavrika Live. Je pourrais donc lui faire un gros bisou en direct, bien évidemment, pendant qu'on écoutera Elixir et Dérapade Mavrika Live numéro 16, espace Bérère, à partir de 20h. Rendez-vous à la chapelle Saint-Mémin. Happy birthday à toi, la miss. Do. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1,

que tout le monde connaît. On monte d'un cran, j'espère que vous avez révisé vos classiques, parce que là, je pense que ça va chanter un petit peu fort. À vous les micros. On décolle en douceur. Attachez la ceinture. Et comme il fait encore pas trop mauvais dehors, je pense qu'il y a de la température, ben je vais vous proposer de vous dévêtir, mais pas entièrement. Non, on va juste garder pour les hommes un caleçon, un petit peu en peau de bête, et puis on va aller passer de liane en liane. On va aller voir si moi, Jen. Boy. message get to you? Captain, said what? He said, Captain, said what? You want once a lifetime, twice a day. 16h59, on va rebasculer sur RDP avant de laisser la place dans une heure à Chantal avec le groove tropical. Voilà, merci de votre écoute, bien content d'avoir fait cette première émission spéciale musique. À très bientôt sur la fréquence arc-en-ciel 96.2 avec Didier & Co. Tous les jeudis et jeudi prochain, ça sera le dernier triptyque avec, je l'espère, monsieur Jean Guibray et Mathieu Vitard de Nantes. Voilà, Jean Guibray qui est dans le département 85. On va essayer de faire passer les ondes. Enfin, essayer. On va les faire passer. À très bientôt à vous et avec grand plaisir à jeudi prochain. Bye bye.